Ésaïe chapitre 27. En ce jour-là l'Éternel punira de sa dure et grande et forte épée, le Léviathan, le serpent traversant, le Léviathan, dis-je, serpent tortue, et il tuera la baleine qui est dans la mer. En ce jour-là chantez, vous entrerez pendant l'un à l'autre, touchant la vigne fertile en vin rouge. C'est moi, l'Éternel, qui la garde, je l'arroserai de moment en moment, je la garderai nuit et jour, afin que personne ne lui fasse du mal. Il n'y a point de fureur en moi. Qui m'opposera des ronces et des épines pour les combattre? Je marcherai sur elles, je les brûlerai toutes ensemble. Où forcerait-il ma force? Qu'il fasse la paix avec moi, qu'il fasse la paix avec moi. Il fera si après que Jacob prendra racine, Israël boutonnera et s'épanouira, et ils rempliront de fruits le dessus de la terre habitable. L'aurait-il frappé de la même plaie, dont il frappe celui qui l'a frappé, et aurait-il été tué comme ont été tués ceux qui l'a tué? Tu plaideras avec elle par mesure, quand tu la renverras, même quand il ferait retentir son vent rude, au jour du vent d'Orient. C'est pourquoi l'expiation de l'iniquité de Jacob sera faite par ce moyen, et ceci en sera le fruit entier, que son péché sera ôté, quand il aura mis toutes les pierres de l'autel, comme des pierres de plâtre menuisées, et lorsque les bocages et les tabernacles ne seront plus debout. Car la ville munie sera désolée, le logement agréable sera abandonné et délaissé comme un désert, le veau y pétra et l'y gîtra, et il broutera les branches qui y seront. Quand son branchage sera sec, il sera brisé, et les familles venant en allumeront du feu, car ce n'est pas un peuple intelligent, c'est pourquoi celui qui l'a fait n'aura point pitié de lui, et celui qui l'a formé ne lui fera point de grâce. Il arrivera donc en ce jour-là, que l'Éternel secourra depuis le cours du fleuve, jusqu'au torrent d'Égypte, mais vous serez glanés à un, ô enfant d'Israël. Et il arrivera en ce jour-là, qu'on sonnera du grand cor, et ceux qui s'étaient perdus au pays d'Assyrie, et ceux qui avaient été chassés au pays d'Égypte, reviendront, et se prosterneront devant l'Éternel, en la sainte montagne, à Jérusalem.